das Thema von heute ist Glauben. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi. The kingdom of faith. Das Königreich des Glaubens. Le royaume de la foi. His faith must be in our soul. Sein Glaube muss in unserer Seele sein. La foi de l'Éternel doit être dans notre âme. Once we are saved, it's in our spirit. Wenn wir errettet sind, ist das in unserem Geist. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est dans ton esprit. He need our cooperation so that he can come to our soul. Er braucht aber unsere Kooperation, damit er in unsere Seele reinkommen kann. Mais lui, il a besoin de notre coopération pour qu'il puisse pénétrer dans notre notre âme. The kind of faith must be in our soul, must come into our soul. Gottes Art von Glauben muss in unsere Seele reinkommen. La foi de l'Éternel, ça doit entrer, pénétrer dans notre âme. That our spirit is free does not mean our souls are free. Nur weil unser Geist frei ist, heißt das noch lange nicht, dass unsere Seele auch frei ist. Juste parce que ton esprit est libre, ça signifie pas que ton âme est aussi libre. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 10, verse 8 to 13. On Sunday, we were also here. He had talked about our salvation in our spirit, but not in our soul. Wir haben uns letzten Sonntag Römer 13 durchgelesen, wo es um unsere Errettung im Geiste geht, aber nicht um unsere Errettung Romans der 10, Seele. Römer 8. Romans 10, from 8 to 13. Römer 10, vers 8 bis 13. Dans la fois passée, on avait parlé, on avait lu Romains 10, versets 8 à 13, où on a expliqué que quand on est né de nouveau, ça se passe dans notre esprit et pas dans notre âme. You know, there it says, with the heart man believeth, with your mouth confession is made. It's talking about your soul, your spirit. It is then your spirit is safe. Let's go there, please, because of some of us that we are not here also. Romans 10. Wir lesen Römer 10. From verse 8. Vers 8. But what said it? The word is nigh thee, even in the mouth and in your heart. That is the word of faith. It is the word of faith, the word that you are hearing. That you are hearing, the gospel of Christ is the word of faith. In Römer 8 steht, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Das Wort des Glaubens ist das Evangelium. Romains 8 nous dit que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc c'est notre foi, c'est l'évangile en fait. We call our message the word of faith, which means Christ himself. Und nennt unsere Botschaft das Wort des Glaubens, was Christus selbst ist. Donc il appelle ce que nous prêchons la parole de la foi. Et la parole de la foi, ça signifie que c'est la parole du Christ, c'est Christ, le Christ lui-même. In verse 9, it said that if thou shalt confess with your mouth 9. The Lord Jesus and shalt believe in your heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, here it's talking about your spirit, that your spirit is safe. Once you believe from your heart and you confess with your mouth. In Vers 9 spricht Paulus darüber, dass du errettet bist in deinem Geist, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen glaubst und ihn mit deinem Mund als Herrn und Retter bekennst. Et verset 9 il dit que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et Sauveur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Praise the Lord. Amen. Because of time we go further. Amen. Amen. You are saved in the spirit, but not in your soul. Once you believe in your heart and confess with your mouth. Wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, bist du in deinem Geist zwar errettet, aber noch nicht in deiner Seele. Donc si tu confesses dans ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé, mais c'est ton esprit qui est sauvé, mais pas ton âme. In Philippians 2, verse 12, it says, work out your salvation. Your salvation in your spirit must come to your soul. Philippa 2, Vers 12 sagt uns, dass wir unsere Errettung verwirklichen sollen. Das bedeutet, dass unsere Errettung von unserem Geist in unsere Seele kommt. Et Philippiens 2, verset 12, nous dit que si on a travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, c'est toujours comme ça qu'on doit, on doit continuer cet acte, de poser cet acte de la foi. Our soul needs salvation. Unsere Seele braucht Errettung. Donc, notre âme a besoin d'être sauvée. In James 1, let's go to James 1, please. Jakobus 1. Jacques the book of James. James 1, verse 21. Vers 21. Jacques 1, verset 21. Say, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness an engrafted word, which is able to save your souls. Your souls need salvation. Eure Seelen braucht Errettung. Donc notre âme a vraiment besoin d'être sauvée. Our souls are our womb. Das bedeutet also, unsere Seele ist wie eine Gebärmutter. Donc notre âme est comme un ventre qui est en train de concevoir quelque chose. The part of us that conceive. The part of us that conceive. Das ist sozusagen der Part von uns, der empfängt. Donc c'est la partie de nous qui est en train de recevoir. Are you getting it? Our soul is our womb. Unsere Seele ist unsere Gebärmutter. Donc notre âme c'est comme un utérus. The part of us that conceive. Der Part von uns, der empfängt. Donc c'est la partie de nous qui est en train de recevoir. The part of us that is always pregnant. Der Teil von uns, der immer schwanger ist. Donc c'est la partie de nous qui est toujours enceinte. And once you are pregnant, you are going to give birth. Und wenn du einmal schwanger bist, dann wirst du auch gebären. Et quand tu es, une fois que tu es enceinte, tu vas aussi faire naître quelque chose. Mm. We once conceived evil. Wir haben einmal das Böse empfangen. Avant, non, on était en train de contenir le mal. On était en train de contenir le mal en nous. When we were without Christ Jesus. Als wir noch ohne Jesus Christus waren. Quand on était encore sans le Christ. When we were without the truth. Als wir noch ohne die Wahrheit waren. Quand on était sans la vérité. When we had unrenewed mind. Als wir unerneuerte Gedanken hatten. Quand on avait des pensées qui s'étaient pas renouvelées. We once conceived evil. Wir haben einst das Böse empfangen. On avait vraiment, oui, on avait reçu le mal. But now we conceive Christ. Aber jetzt empfangen wir Christus. Maintenant, on est en train de recevoir le Christ. And that's why we always give birth to Christ. Und deshalb gebären wir auch nur Christus. Et c'est pour cela on est toujours en train de faire naître le Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. We were once darkness. Wir waren einmal in der Dunkelheit. Une fois, on était dans l'obscurité. Amen. Then we were always conceiving evil. Und zu der Zeit haben wir nur immer das Böse empfangen. Et en nous, on avait que le mal. No matter the good we do, it was always evil. Egal, without Christ. Wie viel Gutes wir getan haben, es war immer böse, weil es ohne Christus war. Peu importe les choses qu'on faisait, qu'ils étaient bien, qu'ils semblaient bien. C'était toujours mauvais sans le Christ. We thank the Lord for now. Aber wir danken dem Herrn für jetzt. Et on remercie l'Éternel pour maintenant. That we only conceive Christ alone and no longer evil. Dass wir nur noch Christus empfangen und nicht mehr das Böse. Le fait qu'on est toujours en train de contenir ou de recevoir le Christ et rien du mal. Any conception without Christ is evil. Und jedes Empfängnis ohne Christus ist böse. Donc, quand tu es en train de recevoir quelque chose ou bien tu contiens quelque chose dans toi, si le Christ n'est pas dedans, c'est toujours mauvais. Praise the Lord. Ephesians 5, please. Verse 8. Ephésiens 5, verse 8. Ephésiens 5, verset 8. Are we there, please? It says, for you we are sometimes darkness, but now are you light in the Lord? Walk as children of light. Praise the Lord. Amen. Amen. We were once darkness, but now we are light. Wir waren einst Finsternis, jetzt aber sind wir im Licht. Il nous dit autrefois vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes de la lumière. Praise the Lord. And say so, we always conceive evil. Und eine unerneuerte Seele wird immer nur das Böse empfangen. Donc un âme qui n'est pas née de nouveau va toujours contenir quelque chose de mauvais. Amen. Anytime you conceive without Christ in your soul, you conceive evil. Und wann auch immer du etwas empfängst außerhalb von Christus, dann wirst du das Böse gebären. Et chaque fois que tu contiens quelque chose, tu reçois quelque chose en dehors du Christ, tu reçois, tu vas toujours faire sortir ou bien faire naître quelque chose de mauvais. All the time we conceive. Und jedes Mal empfangen wir etwas. Et chaque fois on est en train de recevoir des choses. Because your soul must do its job. Its job is to conceive. Weil ja, deine Seele hat eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Job und das ist zu empfangen. Et parce que ton âme a un travail ou bien oui, un travail particulier, c'est toujours de recevoir. C'est ça le travail de ton âme. Amen. We still conceive now. The difference is with conceive Christ are no longer evil. Und bis heute empfangen wir, aber der Unterschied ist, dass wir Christus empfangen. Et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à recevoir, mais la différence est qu'on reçoit que le Christ. Praise the Lord. Amen. Anytime you consider the natural fact, it is coming from your renewed soul. Und immer wenn du die natürlichen Tatsachen erachtest, kommt das von deiner unerneuten Seele. Et chaque fois que tu es en train de considérer quelque chose qui est terrestre ou bien oui naturel, là ça vient de la partie de toi qui n'est pas encore née de nouveau. Are you getting it? Remember evil report in number 13. Let's go there, please. Number 13. Und erinnere dich an dass die böse das böse Zeugnis oder die böse Nachricht, das wir in 4. Mose lesen. Mm-hmm. Rappelez-vous de ce qu'on avait lu le mauvais message qu'on a qu'il y a dans la Bible qui est dans Nombre 13. Remember, you know, I hope you still remember here when Moses sent his 12 spies to the land of Canaan. Mm-hmm. Und in 4. Mose 13 hat Mose die Kundschaft da nach Kanaan geschickt. Mm-hmm. Ici, à Nombre 13, Moïse avait envoyé 13 messagers à Canaan. Praise the Lord. Yeah. In verse 1 and 2 of chapter 13, the Lord said he has given them the victory. Und in Vers 1 und 2 können wir sehen, wie Gott dem Volk Israel sagt, dass Gott ihnen Erfolg gegeben hat. Et verset 12, il nous fait voir, on voit ici à Nombre 13, verset 1 jusqu'à 3 ou 4, où l'Éternel dit déjà qu'il a donné la victoire. Look at it, let us go there, please. Let us read it. Chapter 13, verse 1 and 2 first. 4. Mose 13, Vers 1 und 2. Nombre 13, verset 1 et 2. And the Lord spake unto Moses, saying, in verse 2, send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel, of every tribe of their father, shall you send a man, every one a ruler among them. And Moses sent the 12 spies to go there. Und Mose hat die 12 Kundschafter nach Kanaan geschickt. Et on voit que Moïse a envoyé 12 messagers à Canaan. And in verse, because of time, let's go to verse 27, please. Und jetzt Vers 27. Verset 27. Let's say from verse 26 better. Vers 26. And they went and came to Moses and Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word unto them and unto all the congregations and showed them the fruit of the land. Verse 27. Verse 27. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and Surely, it flows with milk and honey. And this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. And the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. 29. The Amalekite dwell in the land of the south, and the Hittite, and the Jebusite, and the Amorite. You can see the different tribes. Amen. Mm-hmm. Then verse 30. Verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." But the men that went up with him said, "We be not able to go up against the people, for they are stronger than we." Praise the Lord. Amen. Amen. They were already pregnant in their soul. Amen. They conceive. They conceive evil. Amen. Also hier kann man sehen, wie die Männer Israels schon schwanger waren, weil sie das Böse empfangen haben. Jusqu'à verset 31, si on le lit, on voit que le raisonnement des enfants d'Israël, de ces hommes qu'ils étaient, que Moïse avait envoyés, était déjà mauvais parce qu'ils avaient déjà reçu en eux des mauvaises pensées. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas capables à croire ou bien à voir ce que l'Éternel voulait les faire voir, les montrer. And they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel, saying, "The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature." Verse 33. "And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight." Praise the Lord. Amen. Whatever you are going through, praise the Lord. Amen. You can see how, you know, you better be pregnant of Christ. I wish you be pregnant of Christ so that we give birth to Christ. Amen. Und wir sollten wissen, dass egal wodurch wir gehen, wir sollten wirklich sicherstellen, dass wir nur schwanger von Christus sind und auch nur Christus gebären. Et on doit, c'est pour cela, on doit vraiment être sûr qu'on est toujours seulement en train de concevoir le Christ en nous, pour savoir, pour être sûr que on va seulement faire naître oui, le Christ, quelque chose de bien. The Bible said they brought evil reports. So that report was, you know, their reality. It was the truth according to the world system. Die Bibel sagt, dass die Kundschafter ein böses Bericht bezeugten, obwohl das die Realität war nach den natürlichen Tatsachen. La Bible nous fait voir ou bien dit que ces douze messagers, ils ont emmené à Moïse un mauvais rapport, malgré que selon le système de ce monde, ce rapport était c'était la vérité selon selon ce monde. Also in this, the next chapter, from we just only read from 1 to 4. That's chapter 14 of the book of Numbers. "And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night." Praise the Lord. In verse 2, "And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we have died in this wilderness." Verse 3. "And therefore had the Lord brought up unto this land, brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey. Were it not better for us to return into Egypt. Verse 4. Fear. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You know, these people, they already have covenant with the Almighty God. Mm-hmm. We are the covenant people already. Und hier können wir sehen, dass das Volk Israel bereits ein Bündnis mit dem allmächtigen Gott hatte. Und wenn wir lire Nombre 14, 1 à 4, on voit que les enfants d'Israël, ici ces gens qui parlent ici, ils avaient déjà un covenant avec, avec le grand Dieu. They have covenant with him, but they never believe him. Sie hatten ein Bündnis mit ihm, aber sie haben ihn niemals geglaubt. Ils ont un covenant avec Dieu, mais ils n'ont jamais cru en Dieu. You can believe, you know, and be saved in your spirit. Pray the prayer and be saved in your spirit for just some time. But never believe Christ Jesus. Du kannst das Wiedergeburtsgebet beten. Du kannst errettet sein in deinem Geist, aber trotzdem ihm über die Jahre nicht glauben. Tu peux être né de nouveau dans ton esprit, mais si tu ne crois pas en lui dans ton âme, tu n'es pas, ou ça te sert à rien. Praise the Lord. They never believe him except just two people. Und hier können wir sehen, dass das Volk Israel ihm nie geglaubt hat, außer zwei Menschen, zwei Personen. On peut voir que le peuple d'Israël a jamais cru en Dieu sauf deux personnes. Verse 30 again of number 13. And Caleb stirred the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. You can see a soul that is saved. Und in 4. Mose 13, Vers 30 können wir wieder sehen, wie jemand aussieht, der eine errettete Seele hat, der erneuerte Gedanken hat. 4. Mose 13, Vers 30. On peut voir encore à Nombre 13, verset 30, on peut voir que eux étaient en train de douter. Oui. Amen. Il y avait une personne qui était vraiment sauvée parce que cette personne avait cru en Dieu. Ok. Praise the Lord. Amen. From verse 6, please, of chapter 14 of Numbers. Und jetzt wieder 4. Mose 14, Book of Numbers. Vers 6. Nombre 14, verset 6. It says, Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Are you getting it? Just two people believe. Others refuse to believe. Amen. Amen. Verse 7. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through to search it is an exceeding good land. Verse 8. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Amen. I hope you understand here. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. You can see a soul that is already saved. Und von 4. Mose 14, 6 bis 9 können wir sehen, wie eine erneuerte Seele aussieht. Et puis de Nombre 14, 6 à 9, on peut voir comment un âme qui est née de nouveau, comment ça à quoi ça ressemble. From verse 10, please. Verse 10. Verse 10. You can see hardened heart here. Hier können wir ein verhärtetes Herz sehen, eine verhärtete Seele. Et tu, à partir du verset 10, tu peux voir un âme qui est vraiment endurcie. A heart that will never allow Christ to penetrate. Ein Herz, was niemals zulässt, dass Christus durchdringt. Un cœur qui ne permet pas à l'Éternel de pénétrer. But all the congregation built stone, them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, How long will these people provoke me? Mm-hmm. And how long will it be? Believe me? For all these signs which I have shown among them, mm-hmm. all the signs, they can still not believe me and trust me. Praise the Lord. Und hier in Vers 11 sagt Christus, trotz allen Zeichen, trotz all dem, was ich getan habe, können mein Volk mir trotzdem noch nicht vertrauen. Et ici, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? You know, we can say, you know, once we are reading here, we see, we don't see, we are even doing the same thing. We do the same thing today. What they had, what we have today is greater than what they have. Jesus did not come here to die for them then. They only have all these signs and wonders from Egypt, what happened to them, to Pharaoh and the family. But you know, today that we cannot believe Christ is something terrible for God's children. Und oftmals, wenn wir dieses Geschehen hier lesen, dann verstehen wir noch nicht mal, dass wir selber genau diese Sachen tun, wie das Volk Israel. Und zu dem Zeitpunkt war Jesus Christus noch nicht gekommen, um für das Volk zu sterben. Die hatten nur die Gesetze. Heute ist Jesus Christus ist für uns gestorben. Wir sind heute im neuen Bündnis. Und es ist sogar jetzt noch viel, viel schlimmer, Christus nicht zu glauben, trotz all dem, was er für uns getan hat. Quelquefois, quand on est en train de lire ce passage, on ne se voit pas dedans. On dit que ben, les enfants d'Israël étaient vraiment des ingrats. Mais sans le savoir que nous, quelquefois, aujourd'hui, nous sommes encore plus pires. Parce que le convenant qu'on a aujourd'hui, c'est même mieux de ce qu'eux, ils avaient avant. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et malgré tout, quelquefois, on a des doutes vraiment incroyables. Et on voit que et ça nous fait voir qu'on n'est pas différent d'eux. Hardy heart is an evil soul. Ein verhärtetes Herz, eine böse Seele. Un cœur endurci et un âme qui est vraiment mauvais. Thomas' heart was an evil soul. Auch Thomas' Herz beispielsweise war eine böse Seele. Le cœur de Thomas, c'était aussi un âme mauvaise. Remember Thomas. Amen. Until I see, I will not believe. Erinnert ihr euch noch an Thomas? Er hat gesagt, bis ich gesehen habe, werde ich nicht glauben. Rappelez-vous de Thomas, par exemple, lui, il a dit que je ne veux pas croire jusqu'à ce que je veux voir moi-même avec mes yeux. Are you getting it? Amen. Until I see, I will not believe. Even the Pharisees believe more than Thomas. Er sagte, bis ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, werde ich nicht glauben. Aber selbst die Pharisäer konnten mehr glauben als Thomas. Donc Thomas, il a dit que je ne veux même pas croire jusqu'à ce que je veux les voir avec mes propres yeux. Et on voit que même les Pharisiens étaient encore croyaient même plus que Thomas. Are you getting it? The Pharisees even believe more than Thomas. Go to Matthew 27. I see it. Matthäus 27, dort können wir sehen, wie die Pharisäer sogar mehr geglaubt haben als Thomas. Et on va voir à Matthieu 27 que même les Pharisiens ont même plus cru que Thomas. Matthieu 27, from verse 59. Matthäus 27, Vers 59. Matthieu 27, verset 59. Praise the Lord. Amen. And when Joseph had the body, he wrapped it in a clean linen clothes. Verse 60. And laid it in his own new tomb, which he had hewed out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. Verse 61. And there was Mary Magdalene and the other Mary sitting over against the sepulchre. 62. Now the next day that followed, the day of the preparation, The chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. I don't know if you get it. These people, they believe it. What Jesus said, that he will rise up again after 3 days. Amen. Then it's 64. In Vers 63 kann man sehen, wie die Priester und Pharisäer geglaubt haben, dass Jesus Christus nach 3 Tagen auferstehen würde. Donc verset 63 nous fait voir que comment les prêtres et les pharisiens ils avaient cru que c'est que Jésus-Christ le disait qu'il va ressusciter après 3 jours. Command therefore that the sanctuary be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away. And say unto the people, he is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. I don't know if somebody is getting it. These people were able to even believe that he said it. And we know it's going to happen if we do not walk towards it. Then in verse 65, please. 65. Verset 64 nous fait voir vraiment que vu qu'ils croyaient que Jésus-Christ allait ressusciter des morts, ils ont même dit qu'ils doivent faire quelque chose après la mort de Jésus-Christ. Ils doivent pas permettre aux disciples de prendre le corps de Jésus-Christ pour ne pas faire voir qu'il a été ressuscité en fait. Und in Vers 64 können wir nochmal sehen, dass die Pharisäer wirklich so weit geglaubt haben, dass sie sogar gehandelt haben, weil sie wussten, dass wenn sie nicht danach handeln, dann würde das eintreten, was Jesus Christus vorher gesagt hatte über seine Auferstehung. Pilate said unto them, you have a watch, go your way, make it as sure as you can. So they went and made the sanctuary sure, sealing the stone and setting a watch. Praise the Lord. Amen. You can see that these people were able to believe, even more than Thomas, that said, until I see, I will not believe. Amen. Und hier sehen wir, wie die Leute sogar fähig waren zu glauben, sogar mehr als Thomas, der gesagt hat, ich werde nicht glauben, bis ich sehe. Verset 65 nous fait voir que ils étaient que Pilate et les avait dit de se rassurer que vraiment ce tombeau du Christ est vraiment fermé. Et ce genre de rassurement nous fait voir vraiment que il avait même cru que Jésus-Christ était capable d'être à ressusciter après 3 jours. Et on voit alors que ça signifie que il avait même Pilate, il avait même plus cru même plus que Thomas. That Jesus said it alone was enough for the Pharisees to walk on it. Amen. Und allein dass Christus das gesagt hatte, war schon genug, um für die Pharisäer to walk against it. Dagegen zu handeln. Et juste parce que Jésus-Christ avait dit ça, il avait dit qu'il allait être ressuscité. Ça, c'était vraiment suffisant pour que les Pharisiens puissent faire tout contre. C'est qu'il avait dit en fait. Are we different today? Sind wir anders heute? Est-ce qu'on est différent aujourd'hui? Amen. Are we even different today? Sind wir überhaupt anders heute? On est différent aujourd'hui. Until doctor's report say good, it is not good for us. Beispielsweise beim Arztbericht. Sobald der Arzt noch nichts Gutes gesagt hat, ist es auch noch nichts Gutes für uns. Est-ce qu'on n'est pas comme Thomas, par exemple, quand le docteur nous dit que le résultat n'est pas bon, on croit ça plus que l'Éternel. Amen. Until we see our results are good, like others, we will not believe from our heart that we have made it. Bis wir nicht sehen, dass unser Ergebnis genauso gut ist wie das von den anderen, werden wir nicht glauben von unserem Herzen. Jusqu'à ce qu'on ne voit pas que notre résultat est bien avec nos propres yeux, on va pas croire qu'on a un bon résultat. You know, we might even say it with our mouth. Yes, I've made it. We have made it. I have made it. But deep down in our hearts, we still want our result, our report to be like theirs. That's a hardy heart, a soul that is not safe. Und vielleicht bekennen wir das mit unserem Mund. Ja, der Herr hat schon gemacht, ich habe schon bestanden, es ist schon alles erledigt. Aber tief in unserem Herzen glauben wir immer noch nicht, genauso wie Thomas, weil wir immer noch ein verhärtetes Herz haben. Quelquefois, on le dit même de notre bouche, oui, on a... On a passé les examens ou bien des histoires qui sont bonnes, mais dans notre cœur, on ne croit pas et ça nous fait voir qu'on n'est pas différent que Thomas. Are you getting it? Until I get the same result like them, what they call good result, I will not stop studying. That's a soul that is not renewed. Und vielleicht denkst du, bis ich das gleiche Ergebnis habe wie die anderen, werde ich nicht aufhören zu lernen. Das ist eine unerneute Seele, es ist ein verhärtetes Herz. Un âme qui n'est pas née de nouveau, qui est endurcie, va se dire que si je n'arrête pas à étudier, si je ne jusqu'à ce que je puisse avoir le même résultat que eux, je ne veux pas arrêter d'étudier. Amen. We know we can say it with our mouth, but deep down in our heart. Do we really believe what we are saying? Wir können vieles mit unserem Mund bekennen, aber glauben wir wirklich tief in unserem Herzen das, was wir sagen? On dit beaucoup de choses avec nos lèvres, notre bouche, mais est-ce qu'on le croit réellement dans notre cœur? Your actions prove otherwise. Aber deine Handlungen, deine Taten beweisen das Gegenteil. Mais nos actions nous font voir le contraire. Are you getting it? A hardy heart always expects good or bad report, and not Christ as his result or report. Eine unerneuerte Seele sieht immer oder erachtet immer ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis, aber nie Christus als als das wahre Ergebnis. Une mauvaise âme est toujours en train de s'y attendre d'un bon résultat et jamais le Christ comme résultat. You still see things how they see them. Du siehst immer noch die Dinge so, wie die Welt es tut. Tu continues toujours à voir les choses telles que le monde les voit. You know what they call good or bad is still what you call good or bad. Was die Welt... Deep down in your heart. You can say something else with your mouth, but your heart is still seeing what they see. Das, was die Welt als gut oder böse erachtest, siehst du genauso tief in deinem Herzen, obwohl du vielleicht was anderes mit deinem Mund bekennst. Et ce que le monde appelle bien ou bien mal, c'est ce que dans ton cœur, vraiment profond, dans ton cœur, c'est comme ça aussi que tu le considères, même si dans ta bouche, tu es en train de dire que tu considères que le Christ, ou bien tu vois que tu as déjà passé. Are you getting it? Example, I'll just give you one example of a hardy heart. A hardy heart. Let's go to Mark 3, please. Mark 3. Und in Markus 3. And the Lord was very sad concerning it. Amen. Mark 3. In Markus 3 werde ich euch ein Beispiel geben von einem verhärteten Herzen. Mark 3, je veux vous donner un exemple d'un cœur endurci. Und der Herr war sehr traurig darüber. Et l'Éternel était vraiment très attristé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. Obeying Sabbath. Obeying Sabbath day is good. But not obeying it is bad. You see it? That's what is here. We are going to go through just from one place. And he entered again into the synagogue. He entered again into the synagogue. And there was a man there. Which had a withered hand. Verse 2. And they watched him, whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. And he said unto the man, which had the withered hand, stand forth. Verse 4. And he said unto them, is it lawful to do good on the Sabbath day, or to do evil, to save life, or to kill? But they had their peace. Verse 5. And when he had looked around about on them with anger, he was angry. Being grieved for the hardness of their heart. Anytime our heart, you know, we harden our heart, he's not pleased with it. Amen. Und wann auch immer wir unser Herz verhärten, ist er nicht erfreut darüber. Et chaque fois qu'on a toujours en train de endurcir notre cœur, l'Éternel n'est pas content avec ça. Until I have good report, good result, I will not rest. Allow Christ to be your rest. Du denkst vielleicht, bis ich ein gutes Ergebnis habe, werde ich mich nicht ausruhen, aber du musst zulassen, dass Christus deine Ruhe ist. Tu te dis par exemple, jusqu'à ce que je ne veux pas avoir un bon résultat, je ne veux pas me reposer, mais tu dois permettre au Christ d'être ton repos. He said unto Demas, stretch forth your hand, and he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. Verse 6. And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, Christ was not happy. He was angry because of the hardness of their heart. You can see it. Und wir können sehen, wie Christus überhaupt nicht erfreut war. Im Gegenteil, er war sehr zornig über das verhärtete Herz. Et puis on peut voir que l'Éternel n'était pas vraiment on peut voir que l'Éternel n'était pas était triste à cause de ce cœur qui était endurci. 1 Thessalonians 5 says we should prove all things. Prove our soul. Prove your soul. Where do you still have a hardened heart? Prove your heart. 1. Thessalonicher 5 sagt uns, dass wir alle Dinge prüfen sollen. Wir sollen selbst unsere eigene Seele, unser eigenes Herz prüfen. Wo hast du immer noch ein verhärtetes Herz? 1. Thessalonicher 5 nous fait voir vraiment qu'on doit tout examiner et voir où est-ce qu'on a un cœur endurci. Are you getting it? Praise the Lord. On a new soul, we always be threatened by doctor's report. Eine unerneuerte Seele wird immer bedroht sein, eingeschüchtert sein von einem Arztbericht. Un cœur endurci va toujours être menacé d'un rapport du docteur. Are you getting it? On a new soul, we always be threatened by what? By what they call bad report. Eine unerneute Seele wird immer bedroht sein von dem, was die Welt ein böses Zeugnis, ein böses Bericht nennt. Un cœur endurci va toujours être menacé de tout ce que ce monde appelle mauvais résultat. Are you getting it? A sad soul will not be moved by whatever the doctor have to say. Because Christ have the final say. Aber eine erneuerte, lebendige Seele wird nicht davon beeinflusst sein, von dem, was der Arzt berichten mag. Mais un cœur qui est né de nouveau, un âme qui est née de nouveau, qui est sauvée, va jamais être menacée ou bien, oui, va jamais être menacée de ce que le médecin dit, si c'est mauvais ou bien c'est bien, ça ne l'intéresse pas. Parce que le Christ a le dernier mot. What matters to us is Christ alone, and not what they call good or bad. Was für uns alleine zählt, ist alleine Christus und nicht das, was die Welt gut oder böse sieht. Ce qui est important pour nous, c'est seulement le Christ, et pas ce que le monde appelle mauvais, bien ou bien mauvais. You know, we have a lot of examples. Elisha, you know Elisha. Amen. His soul was not in panic, though he was standing, you know. The Syrian army, they were everywhere in his home. You know, the problem was real. You can see it, you can count them. But he was not in panic because his soul was safe. Und wir haben ein weiteres Beispiel von einer erneuten Seele und das ist die Geschichte von Elisa. Er zum Beispiel, er war nicht bedroht von dem Äußerlichen. Er war nicht bedroht davon, dass die syrische Armee ihn umzingelt hatte. Et un âme qui est né de nouveau, qui est sauvé, on peut le voir avec l'exemple de Élisée, par exemple, que lui, il n'était pas menacé de ce que l'armée terrestre était vraiment était nombreux, qui était en train de le poursuivre. Ça l'intéressait pas. Elisha said, "What those that be with us are more than those that be with them." You know, it came from his heart, deep down from his heart. He was not just saying it with his mouth. Are you getting it? Mm. You can see the reaction later. Mm. What happened between himself and the servant? Mm. Und Elisa sagte sogar, der mit uns oder die mit uns sind, sind mehr als die mit jenen sind. Und das, was er sagte, sagte er wirklich tief von seinem Herzen und nicht nur mit seinem Mund. Et quand il disait que tous ceux qui sont avec nous sont plus nombreux de ceux qui sont ici sur terre, lui, il le disait pas seulement avec ses lèvres ou bien sa bouche, il disait vraiment de son cœur. Elisha knew who he was. Elisa wusste, wer er war. Elisa, lui, savait qui il était. Do we know who we are? Aber wissen wir heute, wer wir sind? Est-ce qu'on sait qui nous sommes? Amen. A saved soul never consider the natural facts, the natural reality. A saved soul never consider the natural fact or natural reality. Und eine errettete Seele erachtet niemals die natürlichen Tatsachen, die oder die natürliche Realität. Ein âme qui est né de nouveau, lui ne il ne considère jamais un âme qui n'est les faits ou bien les choses terrestres. Are you getting it? Mm. Yes, you know you fail. Yes, it's true. When the natural war for them, yes, the good the bad report. Yes, yeah, for them, but not for you. Are you getting it? That is not for you. Don't allow it to be for you. Let's go to Romans 4, please. Ja, vielleicht bist du sogar durchgefallen und ist für die Welt ein böses Zeugnis, aber nicht für dich. Für dich zählt nur Christus. Und jetzt lesen wir Römer 4. Oui, c'est vrai, tu as échoué, mais pour eux, dans ce monde. Mais toi, ça ne doit pas t'intéresser, parce que la seule chose qui t'intéresse est ce que l'Éternel dit de toi. On va lire Romains 4. Romans 4, from verse 17. Romains 4, verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations, said the Lord to Abraham. Amen. Before him whom he believed, even God, who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Verse 18. Who against hope believe in hope? There's nothing to hope for. But Abraham still believed. Amen. Mm-hmm. You know, because there's somebody you are to believe that is greater than whatever is outside. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Vers 18 sagt uns, dass da, wo nicht zu hoffen war, Abraham auf Hoffnung hingeglaubt hat. Mm. Et verset 18 nous dit que, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations. C'est ce que Abraham a cru. Who against hope believe in hope? That he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. Verse 19. And being not weak in faith, mm-hmm. he consider not his own body. He consider not. What do you consider? Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He never consider, you know, like Elisha, he never considered the Syrian army. Mm-hmm. Are you getting it? He considered not his body, though his body was dead. It was a fact that his body was dead. It was the reality, their own reality, the natural fact that his body was dead. Are you getting something here? Und Vers 19 sagt uns, dass Abraham sein Leib nicht in Betracht zog, ne, was schon weltlich gesehen sogar erstorben war. Für ihn zählte das Fleisch nicht. Er erachtete nicht das, was sein Leib ihm sagte, obwohl die Tatsachen dieser Welt ganz klar vor Augen lagen. Es ist genauso wie mit Elisa. Er erachtete nicht diese Tatsache, dass natürlich gesehen ihn die syrische Armee umzingelte. Mm. Et on peut voir que, par exemple, hier Moïse, il n'avait pas considéré, ou même Élisée, ils n'ont rien considéré de tout ce qui était terrestre. Ils ont seulement considéré la victoire que leur Dieu les avait, les avait confirmée. Are you getting it? Mm. Don't consider whatever is outside. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Being not weak in faith, He considered not his own body now dead. Is that not wonderful? Mm-hmm. Amen. The five senses will tell you your body is dead. Mm-hmm. Nothing is working. Mm-hmm. The news that is coming will tell you nothing is working. Mm-hmm. You have just given up. But you know, when he was 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb, nothing to consider naturally. I don't know if somebody is getting it. Mm-hmm. Genau, und hier sagt Abraham, sagt Paulus nochmal, dass selbst dass der Mutterleib von Sarah auch 100-jährig war. Ne? Und sie war sehr alt, aber trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben. Das ist genauso auch für uns, dass wir niemals das Äußere, das Äußerliche irgendwie erachten sollen. Donc on voit que le corps de Sarah, par exemple, ressemblait à une femme qui avait, que son utérus, par exemple, était vraiment mort. Ressemblait à une femme qui était plus de 100 ans. De 100 ans. Et on voit qu'elle, qu'elle n'avait même pas considéré son corps, que même Moïse, Abraham n'a pas considéré son corps, mais il avait seulement considéré ce que l'Éternel lui avait promis. Amen. Abraham's soul was really safe. Und wir können wirklich sehen, wie die Seele von Abraham wirklich errettet war. Et à travers ça, on peut voir que l'âme de Abraham était vraiment sauvée. A saved soul is a soul that believes Christ Jesus alone. Eine errettete Seele ist eine Seele, die nur Christus Jesus glaubt. Un âme qui est sauvée, c'est un âme qui considère que ce que Jésus-Christ dit. Whatever Christ says is final. Egal was Christus sagt, das ist final, das zählt. Peu importe ce que le Christ dit, ça c'est final, c'est ça qui compte. No matter how real the outside is, what Jesus is saying is final. Egal wie echt, wie real das das Äußerliche aussieht, das was Christus sagt, ist das was zählt. Peu importe comment c'est réel, comment ça te semble réel, c'est que l'extérieur te dit, mais c'est que Jésus-Christ te dit, c'est ça qui compte. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief. He never doubt God. Amen. He just refused to doubt God. What about you and me today? Are we going to believe it? Are you getting it? Und wir können sehen, dass Abraham die Verheißung Gottes nicht anzweifelte. Also er hat sich entschieden, niemals zu zweifeln. Aber was ist mit dir und was ist mit mir heute? Et on peut voir que Abraham, c'était une décision, il s'est décidé de ne jamais douter son Dieu. Mais toi et moi aujourd'hui, est-ce qu'on est là, on est pareil, ou bien on est toujours en train de douter? Is that better what's wrong in faith? Giving glory to God. He staggered not at the promise of God. He never doubted. He never allowed unbelief. Anything to make him doubt. Doubt any word of God. What the Lord has said to him. We have a lot of promises upon promises from the Lord. Are we going to believe him or not? Und hier steht, Abraham wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und er hatte nur eine einzige Verheißung. Heute haben wir so viel, was der Herr uns gesagt haben, aber werden wir ihm glauben oder nicht? Et on voit que Abraham il avait seulement une promesse la seule promesse qu'il avait il a cru en ça et c'est vrai il a tenu vraiment forme à cette promesse là mais nous aujourd'hui on a plusieurs promesses mais on n'est même pas capable à y croire. Praise the Lord. In verse 21, I've been fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. Once Christ said it, he's final. He's able to perform it. Let us believe Christ Jesus. Vers 21, und völlig überzeugt war er, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und auch wir sollten heute Christus glauben. Et verset 21 nous fait voir que pleinement convaincu qu'il saura accomplir la promesse qu'il a faite. Et c'est comme ça qu'on doit être convaincu aujourd'hui que l'Éternel n'est pas un menteur, qu'il va sûrement accomplir ce qu'il a promis. Verse 22. 22. And therefore it was imputed unto him for righteousness. Mm-hmm. Now it was not written for his sake alone, mm-hmm. but it was imputed, that it was imputed unto him. It is not for him alone, mm-hmm. but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Amen. That same promise is also for us. Amen. If we can trust the Lord from our soul, believe the Lord Jesus. Are you getting it, please? Amen. Vers 22 sagt uns, dass der Glaube von Abraham ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und das ist nicht nur alleine für ihn sozusagen oder nur wegen ihm geschrieben worden, sondern auch für uns, dass wenn wir an den Glauben, also an Jesus Christus glauben, der von den Toten auferstanden ist, dass uns das auch als Gerechtigkeit angerechnet wird. Verset 22 nous fait voir que, et voilà que pourquoi la foi de Abraham a été imputée à la justice. Hein? Et c'est pas seulement pour lui, c'est pour nous aussi aujourd'hui que dès qu'on croit vraiment que l'Éternel est notre à toutes ses promesses qu'il a pour nous, que lui il est vraiment notre tout et en lui on a vraiment tout. Si on croit fermement à ça, on va voir que ça sera aussi imputé comme la justice pour nous et on doit seulement oui faire cet effort. Und wir müssen ihm mit unserer Seele glauben. Et on doit le croire avec notre âme. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. To believe the finished work of Christ. Das vollendete Werk von Christus zu glauben. Et croire à l'œuvre accomplie du Christ. Amen. Amen. Learn to consider Christ alone. Lerne nur Christus zu erachten. Apprends seulement à considérer le Christ. Stop considering the natural facts. We have our facts. And that fact is what we consider alone. Christ Jesus is our fact. They have their facts. You can see the body of Sarah. You can see Abraham. Their fact is always there. But there is another fact greater than whatever fact is outside. Und wir müssen wirklich aufhören, die natürlichen Fakten zu erachten. Denn wir müssen wissen, dass es natürliche Fakten gibt, aber auch wir haben unsere eigenen Fakten, die allein auf Christus Jesus basieren. Denn wir können selbst sehen, dass Abraham und Sarah, sie wurden auch mit den natürlichen, irdischen Fakten konfrontiert, aber sie weigerten sich, daran festzuhalten, sondern sie erachteten nur die wahren Fakten. Und diese Fakten sind die von Christus. À arrêter de considérer les faits de ce monde, parce que oui, c'est important, c'est ok de savoir que ça existe, mais on doit seulement considérer les faits de notre royaume et de ne pas prendre le fait de ce monde de ne pas le prendre en valeur.